partout, il est jamais trop tard. Panne de réseau, naissance d'un espoir. On est dépossédés. Merci d'être avec nous, il est 10h. Dans la course avec les Sport News sur Énergie. Et c'est reparti pour une saison de sport. Toutes les infos sportives, interviews, commentaires, invites et réactions à chaud. Et voici les Sport News sur Énergie avec, bien sûr, on commence par le football et en Ligue 1, et bien ce samedi, Lille reçoit Monaco. En Ligue 2, ce soir, Véa se déplace au Havre à 15h. Et puis, hier soir, et bien Lens a reçu Bourg-en-Bresse, résultat un partout, but de Kevin Fortuné. En National, Dunkerque et bien a reçu Sedan, victoire des Dunkerquois 2-0. Dunkerque est en tête du championnat, pour l'instant bien sûr. L'USBCO s'est déplacé à Lyon, troisième victoire consécutive pour les Boulonnais, but de Grégory Thiel et de Thierry Argelier. En première période, les Lyonnais eh bien, ont réduit le score en fin de rencontre sur un but de Ayari. Vendredi prochain, eh bien, Boulogne reçoit les Herbiers. Bravo donc aux Boulonnais. Toujours en football et en Coupe de France, et bien ce week-end a lieu le troisième tour de la Coupe de France. Quelques rencontres à suivre, hein, puisqu'ils sont nombreuses encore au troisième tour. Saint-Martin-les-Boulogne eh bien, ira à Niel-les-Bléquins, attention, Saint-Omer s'en souvient bien. Limbre ira à Liévin-Djana, Hasbrouck eh bien, ira à Anquin-les-Mines, Neuchâtel se déplace à La Scaille. Le Stade Portelois eh bien, sera face à Campagne-les-Guines et l'USSO eh bien, fera le déplacement à l'Étrême. L'entraîneur de Saint-Omer eh bien, revient sur le début de championnat. Bah, début de championnat, on va dire, plus que satisfaisant. Un match nul face à Béthune à domicile et puis là, une victoire sur le terrain de la réserve de Valenciennes. Sur le tableau de marche, on va pas dire qu'on est en avance, mais presque. Après, bah, la nouvelle équipe, on a des nouveaux joueurs qui sont arrivés avec des retours comme bah, avec Morgan, Mathieu Chrétien, Rémi Vasileski et puis Maxime Blanquer qui est arrivé de Béthune. L'osmose s'est faite rapidement et de très belle manière. Le groupe travaille bien, les jeunes sont là à pousser les anciens et je pense que les résultats sont aussi dus à cette participation de tout le monde. Voilà, donc la rencontre aura lieu bien sûr demain. Je parlais du stade Portelois qui a également des ambitions en championnat qui reste simple et modeste. Donc ils vont jouer également hein, le stade Portelois en Coupe de France. Ils arrivent donc ce week-end, ce sera face à Campagne-les-Guines. L'entraîneur du stade eh bien, revient sur son équipe et le début de championnat, c'est Fabien Dagneau. Une équipe portelloise qui a été pas mal remaniée suite au départ de joueurs cadres vers d'autres cieux. Aujourd'hui, bien, on est en train de se mettre en place. On a fait un premier match qui nous tenait à cœur de remporter, qu'on a remporté contre un promu Malo chez nous 3-2. Mais bon, je pense que le score ne reflète pas le match puisqu'on aurait pu en gagner un peu plus amplement. Par contre, nous avons été sévèrement battus à Béthune contre une équipe qui, elle, était beaucoup plus expérimentée que la nôtre et qui a su bien gérer son match malgré notre très gros début de match puisqu'on a mené pendant 30 minutes chez eux. Mais voilà, notre jeunesse a fait qu'on n'a pas su gérer les temps forts et les temps calmes. L'entraîneur du stade Portelois et puis le quatrième tour hein, se jouera le 25 septembre avec l'entrée en lice des équipes de CFA. On passe au basket et la compétition eh bien, pour les Maritimes commencera le 13 septembre avec un derby pour la Coupe de France. L'SOMB eh bien, va recevoir son voisin en Pro A, le SSM. Le BCM en finale de la DLC Cup. Les Maritimes eh bien, se sont imposés face à Göttingen et vont affronter l'SOMB à 20h30. 89-70 pour les Maritimes. Bravo Boulogne, eh bien, a battu les Belges d'Ostende 88-62. Belle finale, donc tout à l'heure à 20h30 au Sportica et à 18h, la petite finale. En ring hockey, eh bien, le SCRA se prépare à ouvrir le championnat dans quelques semaines, dans quelques jours même. Ce soir, eh bien, Sénéo à 17h à minuit. Grand roller dancing animé par le DJ Benji. L'occasion, eh bien, de faire la fête et de se détendre avant, bien sûr, la reprise du championnat de ring hockey. Enfin, ce sera à La Roche-sur-Yon. Et puis ce week-end, tournoi international salle du Brocus. Et ça tombe bien puisque vous le savez, le SCRA a très bien recruté dans l'intersaison et Fabien Saint-Breux nous présente son équipe. Elle est à découvrir, l'entraîneur. On espère en tout cas avoir une équipe qui va plus rapidement vers l'avant. J'espère avoir une équipe tournée vers l'offensive. On a trop peu marqué de buts à l'extérieur, je répète, l'année dernière, et ça nous a coûté beaucoup de points. On a des joueurs capables de mettre des buts, hein, que ce soit Pinto, Delgado, Cerro ou Mantignan. Ce sont des joueurs capables de mettre beaucoup de buts cette saison. Après, il va falloir trouver un équilibre entre ces buts marqués, ces buts encaissés. Et voilà, j'espère que les gardiens feront une bonne saison. Techniquement, tactiquement, je pense qu'on sera un peu plus rapide et qu'on espère progresser, notamment sur les phases de transition, sur les contre-attaques. Pouvoir finaliser ces contre-attaques, ça devrait être qui pourrait être bénéfique pour nous. Et puis j'espère également qu'on soit encore meilleur, puisqu'on en parle à chaque début de saison sur les pénaltys, les coups francs directs qui nous coûtent beaucoup de points à chaque fois. Voilà, c'est promis. Donc La Roche-sur-Yon, hein, ne ratez pas dans la fin du mois de septembre. Et puis ce week-end, donc tournoi international. Et puis à Sénéo, à 17h jusqu'à minuit, grand roller dancing à ne pas rater. On essaiera de joindre Diana Savreau, la présidente, pour terminer l'émission. En aviron, vous le savez, vous allez pouvoir découvrir l'aviron dans la région. Plusieurs clubs vous peuvent ouvrir leurs portes. Boulogne, Dunkerque, Grande-Synthe, donc et Saint-Omer. Le club Audemarois vous propose durant le mois de septembre et chaque week-end une journée porte ouverte. Et le président Daniel Ten nous présente ses PO. C'est de faire connaître l'activité en début de saison, d'attirer à la fois des compétiteurs, mais également des loisirs. On peut revenir un peu sur le championnat. Vous allez reprendre le championnat, je pense, avec votre équipe. Qu'est-ce qui va changer par rapport à l'année dernière au niveau de l'aviron ? Alors, cette année, on a un changement important. C'est une réforme fédérale qui crée, nouvelle catégorie J12, J13, J14, où les sexes et les âges vont être mélangés. Et donc, les gens qui participeront à des compétitions dans la Ligue participeront à un challenge, à une journée nationale dans cette catégorie qui se déroulera en fin d'année à Vichy. Les portes ouvertes donc à Saint-Omer chaque week-end près de la gare SNCF. Les 17 et 18 septembre, l'Opal Paguet propose des randos et des courses en mer sur l'eau. C'est donc en K1 monoplace, en K2. Cher à Maxime Beaumont qui sera notre invité dans un instant pour bien sûr parler de cette belle médaille des JO. Donc c'est organisé par le BCCOR, renseignement 03 21 31 98 60. On termine par quelques rendez-vous en bref. Le premier, Saint-Martin, les Tintingues. Ce week-end, c'est la fête du sport. À Vimereux, troisième étape de l'NJ Kite Tour, c'est ce week-end du spectacle sur le bord de mer, donc ce week-end ensoleillé, et le rugby club Audemarois, fête ses 50 ans, c'est bien sûr ce week-end. On va parler football à 10h30 avec Quentin, puisque nous allons rejoindre le gardien de Gravelines. Il est notre invité à 10h30, bon week-end, merci d'écouter les Sport News. Tout de suite, retour à la musique avec Soprano. Sport News, toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, je fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Je suis en feu.

plus que les transports en commun. Saint-Omer fête la bière et met la pression le samedi 10 et dimanche 11 septembre. Le temps d'un week-end, la ville revêt les couleurs de la bière pour des dégustations, un défilé de fanfare et harmonie, un village de brasseurs, un village de producteurs et des concerts. Visite guidée de la brasserie de Saint-Omer à l'occasion de son 150e anniversaire. Animation pour petits et grands à consommer sans modération. Un partenariat Ville de Saint-Omer, Office de tourisme de la région de Saint-Omer, Saint-Omer Cité Marchande et Brasserie de Saint-Omer. Programme complet sur ville-saint-omer.fr. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Elle est sympa cette petite voiture. Tu t'imagines au volant ? La liberté. Eh bien, passe ton permis avec ECA, l'école de conduite audomaroise. Avec ECA, le permis, c'est permis. Une équipe super pro, super sympa et des tarifs vraiment très doux. Alors, ce permis ? Permis auto, moto, cyclo ou remorque ? Rendez-vous à l'école de conduite audomaroise, 12 rue d'Arras à Saint-Omer et 4 rue Émile Zola à Longnes. Info sur eca-autoécole.com. Pour 1 euro, on a quoi aujourd'hui ? Le pain de campagne de 500 grammes aux boulangeries de Marie Blachère, maman. Pour votre santé, bougez plus. Boulangerie de Marie Blachère à Arques, Coudekerque, Branche et Lillers. Salut, c'est Maxime Beaumont, vice-champion olympique de kayak. Faites comme moi, écoutez Sport News sur NRJ. L'actu sportive et réaction à chaud dans les Sport News. Merci d'être avec nous dans les Sport News ce matin. Nous sommes ici à Gravelines avec le gardien de Gravelines, justement, Alexis Manier. Bonjour Alexis. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin dans les Sport News jusque 12h. Alors, on va revenir un petit peu sur le match déjà de la semaine dernière face à Dunkerque Sud. Gros exploit pour vous, j'imagine ? Bah, pas un gros exploit, puisqu'on est en termes de division, on est supérieur à eux, puisque nous sommes en DHR et puis eux en PHR. Cependant, c'est vrai qu'aller jouer à Dunkerque Sud, c'est pas forcément facile. On s'en est bien tiré pour ce deuxième tour de Coupe de France et bah, pourvu que ça dure. Justement, est-ce que vous êtes préparé au prochain match, au troisième tour de Coupe de France ? Oui, bien entendu. Bah là, depuis le début de la préparation, on se prépare principalement, on va dire, pour la Coupe de France, puisque on dispute deux tours de Coupe de France avant notre première journée de championnat. Donc, on est basé essentiellement actuellement sur la Coupe de France. Et donc, oui, on est bien préparé pour cette Coupe de France. En ce qui concerne le championnat, vous avez fait de nouvelles recrues pour justement essayer de remonter la pente ? Oui, tout à fait. Par rapport à la saison dernière, où on avait vécu une saison difficile avec la relégation en DHR, il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Pas mal de joueurs qui sont arrivés, un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui souhaite refaire monter le club en CFA 2 d'ici 4 ans. Et donc le club a injecté pas mal de jeunes dans l'effectif pour pouvoir construire à long terme. Est-ce qu'il y a des objectifs justement pour cette année ? L'objectif, comme j'ai pu le dire juste avant, c'est de retrouver la CFA 2 d'ici 4 ans. Ce qu'on devrait faire, c'est de monter une division tous les 2 ans, puisqu'on est en DHR. On va dire qu'on a 2 ans pour remonter en DH, et puis après, une fois en DH, on aura 2 ans pour remonter en CFA2. Après, effectivement, si on peut remonter en DH dès cette année, ça sera bénéfique, bien entendu. Et la moyenne d'âge, justement, de ton équipe ? La moyenne d'âge, elle est assez jeune. On a encore quelques anciens qui sont là depuis des années, hein, bien entendu, Mathieu Gay, Djuma Sangara qui sont toujours là. Et puis après, la moyenne d'âge est assez jeune. Hein, on va tourner autour des recrues. On a pas mal de recrues qui ont 20 ans, à tout casser. C'est le principal des recrues qui ont moins de 25 ans. Le recrutement a été basé sur la jeunesse pour pouvoir garder le même groupe, pour espérer atteindre les objectifs qui sont de remonter en CFA2 d'ici 4 ans. Donc forcément, pour construire un groupe qui peut vivre 4 ans, il faut se baser sur des jeunes joueurs et pas forcément que des anciens, même si les anciens qu'on a actuellement nous servent bien entendu. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement à l'US Gravelines cette année ? Bon, on peut souhaiter à l'US Gravelines tout simplement que cette saison se passe mieux que l'année dernière. Et pourquoi pas de remonter en division honneur dès cette année, sachant qu'il y a 2 voire 3 montées. Je pense que si on peut remonter dès cette année, on le fera. Alexis Manier, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui vous remercie. Bon courage pour demain à la Coupe de France, 3e tour, je le rappelle. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ce 3e tour de Coupe de France ? Bah, la Coupe de France, hein, comme tout le monde le sait, c'est jamais évident. Chaque match est difficile, que l'adversaire soit au-dessus de nous ou en dessous de nous. Donc ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Et puis de faire vibrer l'ensemble de la région. Et puis surtout nous qui avons bien besoin de redorer un peu le blason par rapport à notre saison dernière vraiment très très délicate. Merci beaucoup. Tout de suite, retour à la musique sur NRJ jusque midi. Merci d'être avec nous ce matin dans les sports. To believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Give up, na na na. I won't give up, na na na. Let me love you.

dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler, demain on aura zappé, et pas. Laissez-les gourmands, laissez-les parler. Laissez-les gourmands, laissez-les gourmands, laissez-les parler. Tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps. Je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde qui n'a pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Sport News Energy, notre invité du week-end. Merci d'être avec nous ce matin dans les Sport News. On ne pouvait pas démarrer l'émission, puisque l'émission redémarre ce week-end, sans avoir Maxime Beaumont, médaillé d'argent au JO. Cette fois-ci, ça l'est, tu l'as ta médaille. Ouais, merci beaucoup. En effet, ouais, je l'ai, ça y est. Ça faisait 4 ans que j'attendais l'opportunité pour pouvoir recourir une finale olympique. Là j'en cours deux, j'avais deux chances pour aller la chercher et c'est sur la deuxième, elle s'est fait attendre que je vais la glaner. Comment on vit cette épreuve de stress, de trac? Comment on la vit cette épreuve avant de monter dans le bateau? Ah bah nous c'est un petit peu particulier, on n'a pas l'habitude de cette énormité, de toute cette atmosphère qu'il y a autour de la compétition, donc c'est pas évident. Il y a une grosse pression médiatique, Et puis bon, bah voilà, c'est nous, sport amateur, c'est un petit peu la compétition de référence, donc forcément on l'attend avec impatience. On n'a qu'une envie, c'est d'y aller, et puis quand la course arrive, on freine à deux pieds, et puis on se dit, ah, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prêt? Et puis bon, bah voilà. Là, honnêtement, cette année, j'avais plus envie que peur, donc je l'ai plutôt bien abordé. C'est-à-dire que Londres, c'était la partie découverte, et là, c'était la partie vraiment où tu t'es donné à fond, c'était à Rio? Oui, après à Londres, je me suis donné à fond. Oui, hein. Oui, oui. Mais oui, c'était en effet, c'était découvrir les Jeux Olympiques. On m'en avait dit plein de bien et un petit peu de mal. Donc, il fallait que je me fasse ma propre idée. Il y a 4 ans, j'étais un petit peu impressionné par l'événement. Alors que sur cette Olympiade-ci, c'était différent. Là, en plus, j'avais d'autres armes. Je pense la possibilité d'aller chercher une médaille. Chose que je ne me rendais pas forcément compte il y a 4 ans, donc j'avais qu'une envie, ouais, c'était d'y aller et d'en découdre. Donc ta médaille, tu l'as pas ramenée, t'as peur qu'on te la vole? Non, mais elle est lourde, je perds mon pantalon chaque fois que je me balade avec. Elle est où? Elle est à la maison. À la maison, pas encore dans un placard quand même. Non, non, non, mais rangée dans la petite boîte fournie par l'organisation. Le retour grandiose, l'Elysée, le retour à Boulogne, ça c'est des moments que tu vas garder dans ta vie. Ah bah oui, ça c'est inoubliable. Les Boulonnais qui vous attendent à l'aéroport, qui font plus de bruit que n'importe quel public. L'Elysée, être reçu par les grands chefs politiques qui font un discours très... très sympathique à notre égard. Ensuite, toutes les rencontres qu'on fait à la suite de cette médaille, c'est magique. Et puis ensuite, quand on revient à Boulogne, évidemment, là, accueilli au club pour partager cette médaille et faire la fête tous ensemble pour fêter ça, c'était vraiment génial. Ouais. Et la maman qui est passée sur toutes les télés, parce qu'elle a pris l'avion avant toi, pour on l'a vu sur BFM, j'attends mon fils, elle avait le drapeau bleu et rouge. Ça, c'est merveilleux quand même, la famille qui est présente. Ah bah oui, ça c'était important, que la famille soit présente, au moins les proches, les tout proches, pour partager ce moment avec moi, parce que ils font partie du projet, ils ont, à un moment donné, ils étaient là pour me pousser, ou pour réconforter, ou même pour simplement partager les joies qu'on a eues avant cette médaille. Et là, c'était important que justement ils soient là avec moi et qu'on partage justement cette aventure. Après, ça m'étonne pas qu'elle soit passée à la télé parce qu'elle aime bien parler. Et... on va l'interviewer la prochaine fois. Mieux que ta femme, parce que le président du VCK, elle veut généralement pas le faire. C'est vrai qu'Aurélie est un peu plus timide à ce niveau-là. Pour terminer, qu'est-ce que tu as maintenant ? Tu as la médaille olympique. Qu'est-ce qui te reste comme espoir dans le kayak ? Moi, là, j'ai tous les vices. Là. J'ai le vice-champion d'Europe, vice-champion du monde, vice-champion olympique. Tu veux de la retraite alors maintenant ? Non, non, là, c'est l'or. C'est l'or. L'étape d'après, c'est l'or. Hein. On est trois fois deuxième en grand championnat. Zéro médaille d'or, zéro marseillaise en grand championnat. Donc là, pour la saison 2017, on va y retourner avec cet objectif-là. Pas forcément sur 200 mètres. Là, je me ferme aucune porte. Du monoplace, de l'équipage, du 200 mètres, du 1000 mètres, du 500 mètres, peu importe. Ça va être en fonction des opportunités qui se présentent à moi. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'aller chercher de l'or. Que dire ? Bravo, bravo, bravo. Rendez-vous avec l'or. Merci, merci, merci, et je l'espère, ouais. Merci Maxime, tout de suite retour à la musique sur Énergie, et puis merci de nous avoir accordé cette interview. Salut, c'est Maxime Beaumont, vice-champion olympique de kayak. Faites comme moi, écoutez Sport News sur Énergie. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when Merci d'écouter les Sport News, il est 11h. Dans la course avec les Sport News sur Énergie. Et voici les Sport News sur Énergie, seconde partie. Sport News. Et on commence par du football et en Ligue 1, et bien ce samedi, Lille reçoit Monaco. En Ligue 2, et bien Valenciennes se déplace au Havre, ce sera tout à l'heure à 15h. Hier soir, Lens et bien reçu Bourg-en-Bresse, résultat 1 partout, but de Kevin Fortuné. En National, et bien Dunkerque a reçu Sedan, victoire des Dunkerquois 2-0. Dunkerque est en tête du championnat, pour l'instant bien sûr. L'USBCO s'est déplacé à Lyon, troisième victoire consécutive pour les Boulonnais, but de Grégory Thiel et de Thierry Argelier, donc en première période, les Lyonnais eh bien, ont réduit le score en fin de rencontre sur un but de Aouari. Vendredi prochain, à Boulogne eh bien, reçoit les Herbiers. Ce sera bien sûr au stade de la Libé. En Coupe de France et toujours en football, eh bien, ce week-end a lieu le troisième tour de la Coupe de France. Quelques rencontres à suivre. Elles sont nombreuses naturellement en début de Coupe et en début de saison. Saint-Martin-Boulogne eh bien, ira à Niel-les-Bléquins. Limbre ira à Liévin-Djana. Hasbrouck eh bien, ira à Anquin-les-Mines. Neuchâtel se déplace à la Scaille. Le stade portellois eh bien, sera face à Campagne-les-Guines. Ce sera donc un beau match. Ce sera bien sûr demain, je vous le rappelle. Et puis le stade portellois eh bien, est une équipe jeune et qui se reconstruit pour l'entraîneur du stade portellois, Fabien Dagneau. la force et les défauts de la jeunesse. On a des garçons qui ont beaucoup de fougue, beaucoup de qualité, mais qui auront, qui apprendront que le championnat de DH est un championnat long et difficile. Maintenant, bon, l'équipe n'est pas complètement mise en place. Il se dégage un groupe, mais pas encore un 11 type. Bon, d'ailleurs, on peut pas parler de 11 type durant les saisons parce qu'avec les aléas des blessures et des absences dans le football amateur, c'est difficile de parler de 11 type. Mais l'équipe est en train de prendre forme et elle se solidifiera, j'espère, en allant. Est-ce que vous êtes dressé un objectif dans ce championnat, la montée en CFA2 qui vous a peut-être fait faux bond l'année dernière ? Non, l'objectif principal n'est pas la montée en CFA2 dans la mesure où on sait très bien que c'est un marathon. L'an dernier, ce n'était pas, l'objectif était de figurer dans les 5 premiers. Cette année, l'objectif, je dirais, c'est d'être dans les 8 premiers pour pas connaître les foudres de la descente s'il y a des descentes de CFA2. Par contre, voilà, notre objectif numéro 1 est de figurer dans la première partie du championnat. Après, on verra en allant, mais bon, pour l'instant, on peut pas parler d'objectif de montée par rapport au fait que on n'est pas l'un des plus gros budgets de la DH et qu'on est, comme je vous l'ai dit, inexpérimenté pour l'instant. L'entraîneur, donc, Fabien Dagneau du stade Portelois Gravelines, eh bien, sera face au Touquet en championnat cette année. Une remontée, bien sûr, objectif, et aller plus loin en Coupe de France. Et puis l'USSO, eh bien, fera le déplacement à l'Étrême. Une équipe qui est prête pour le championnat et la Coupe de France ce week-end, c'est donc demain. Christophe Mersman, l'entraîneur de Saint-Omer. J'espère que la force sera ce qui était ma qualité première en tant que joueur, c'est-à-dire l'état d'esprit et l'esprit de compétiteur. Et jusqu'à présent, c'est à peu près retranscrit sur le terrain et j'espère que ça continuera tout au cours de la saison. Alors vous avez battu Valenciennes, on peut dire que c'est un exploit parce que c'était un beau match et puis on a eu peur quand même, on doutait. Alors on dira que c'est un exploit si Valenciennes bat tout le monde derrière, on ne sait pas. Maintenant c'est sûr que de battre une réserve professionnelle en début de saison sur son propre terrain, ça peut relever d'un exploit. Maintenant il faut vraiment tourner la page de ce match, on l'a fait, c'est très bien. Et il y a la Coupe de France qui arrive ce week-end et puis Biage derrière pour confirmer cette victoire. Voilà, le quatrième tour eh bien, se jouera le 25 septembre avec l'entrée en lice des équipes de CFA. En basket, eh bien, la compétition pour les Maritimes commencera le 13 septembre avec un derby pour la Coupe de France. L'SOMB va recevoir son voisin en Pro A, donc le SSM, le BCM en finale de la DLC Cup. Ce sera donc ce week-end et c'est ce week-end, ça a démarré hier. Les Maritimes eh bien, se sont imposés face à Göttingen. C'est un gros match et un beau match et vont affronter eh bien, Boulogne à 20h30, 89-70 pour les Maritime. Et puis Boulogne est bien battu les Belges d'Ostende, 88-62. Belle finale à 20h30 au Sportica et à 18h la petite finale. En ring hockey, eh bien le SCRA se prépare à ouvrir le championnat dans quelques jours. Ce sera donc fin septembre face à la Roche-sur-Yon. Ce soir à Sénéo à 17h, eh bien jusqu'à minuit. Grand roller dancing avec le DJ Benji. L'occasion eh bien, de faire la fête avant bien sûr et de se détendre avant la reprise du championnat. Et puis ce week-end également, tournoi international. On poursuit avec l'aviron. Et si vous avez eh bien, envie de découvrir l'aviron, plusieurs clubs peuvent vous accueillir ce week-end. Il y a bien sûr Boulogne, Grande-Synthe, Saint-Omer, le club Audemarois. Eh bien, vous propose durant le mois de septembre et jusque fin septembre eh bien, des journées portes ouvertes. On sera tout le week-end, vous avez de la chance. Les Espoirs ont une chance de participer à la grande journée nationale. Le président Daniel Ten. J'espère qu'on va mettre un petit peu cette année, vu cette réforme fédérale, l'accent sur cette catégorie d'âge et qu'on emmènera un maximum de personnes et de rameurs à cette journée nationale jeune. Les prochaines compètes ? Alors les prochaines compètes, c'est pas une compétition mais c'est très très vite puisque on a une animation à Cambrai le 25 septembre pour justement les gens qui viennent de débuter et on a également deux équipages qui participeront, qui se sont qualifiés pour les championnats de France d'aviron de mer à Menton qui ont lieu le 12 et 13 octobre. Pour terminer, on rappelle, donc journée porte ouverte durant tout le mois de septembre. Et on rappelle le lieu, c'est pas très loin de la gare de Saint-Omer. Voilà, donc journée porte ouverte tous les week-ends de septembre, le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 9h au club Allée des Marronniers, face au Quai du Commerce. Voilà un sport à découvrir donc pour les journées portes ouvertes. Et les 17 et 18 septembre, l'Opal Paguet vous propose des randos et des courses en mer sur l'eau donc du K1 monoplace et du K2 organisé par le BCK. Renseignements 03 21 38 31 pardon 98 60 03 21 31 98 60. Pour terminer cette page de sport avant de retrouver notre invité de 11h30, et bien en bref, à Saint-Martin les Tintinguem ce week-end, bien c'est la fête du sport. À Vimereux, troisième étape de l'NG Kite, c'est du kitesurf tour. Ce sera donc ce week-end du spectacle hein, sur le bord de mer. Et puis le rugby club de Marois qui fête ses 50 ans, c'est ce week-end également. Tout de suite, retour à la musique. Merci d'être avec nous. Bon week-end. Et on parle du rink hockey dans un instant. Ils sont nos invités à 11h30. Deux jeunes recrues à découvrir. Ce sera face à La Roche-sur-Yon et ce sera bien sûr fin septembre. Tout de suite, retour à la musique sur NRJ. Bon week-end. Sport News. Toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer. Salut, c'est Kevin Mendy, je suis Eli et il est fort au SOMB. J'écoute les Sport News sur NRJ. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a. una cartica que yo guardo donde te escribí. Mais c'est le temps qui court.

Réactions et commentaires à chaud, c'est dans les Sport News. Merci d'être avec nous dans l'émission ce matin. On va parler rink hockey avec deux jeunes recrues. Alors je vais les laisser se présenter. Moi, je vais simplement dire tout simplement que vous venez de Villejuif. Je vis en City Lambeau et j'ai 17 ans. Moi, je m'appelle Tom Mfokani, 17 ans et on vient du club de Villejuif. Voilà, alors pourquoi avoir accepté de venir à Saint-Omer? C'est la météo qui vous amène Non, tout simplement, si on voulait relever un défi, voilà, Fabien il nous a appelé, voilà, on voulait avoir une possibilité de jouer en N1 et voilà, s'entraîner avec des bons joueurs de l'équipe de France et des étrangers aussi pour apporter de l'expérience pour nous. Bah, comme il a dit, une plus grande progression. Et après nous ce qu'on recherche c'est le défi, c'est à chaque fois nous on veut le plus haut, s'entraîner avec les plus grands pour jouer dans le meilleur niveau français. Normalement on a le potentiel pour jouer en N1. On va faire quelques matchs avec le groupe N1 cette année et on verra l'année prochaine si voilà, on aura l'opportunité de faire partie de l'équipe. On le sait, hein, Fabien c'est l'entraîneur de l'équipe de France. Vous avez été remarqué, c'est que vous êtes de bons joueurs. Oui, Fabien ça a été notre sélectionneur l'année dernière en U17. D'ailleurs on a remporté la médaille de bronze l'année dernière. Donc c'était un très très beau championnat d'Europe. Fabien nous a contacté et très très, très bon entraîneur. Quels sont vos objectifs pour la saison? Objectifs personnels hein. Mon objectif personnel numéro 1, c'est déjà de progresser moi-même sur mon niveau. Mmh. Pourquoi pas faire mon premier match en National 1 dans ce club, à Saint-Omer. Ça ne serait tardé, hein. C'est prochainement naturellement, puisqu'on va bientôt ouvrir le championnat. Quel souvenir tu gardes, toi, personnellement, d'un match de rink hockey, d'une saison de rink hockey, que ce soit à Villejuif ou ailleurs? Bah moi le souvenir c'était la médaille de bronze avec l'équipe de France l'année dernière au Portugal. Voilà, c'était un très très beau championnat d'Europe avec une très bonne équipe. On a eu des jeunes et on a été des vieux aussi. On a dû faire quelques mélanges, donc ça a bien fonctionné et voilà. Moi ce que je retiendrai de tout le début de ma carrière, c'est mon premier but en senior avec le club de Villejuif. C'était un moment magique, la salle elle était remplie. Ce jour-là on avait eu du temps de jeu et voilà, on avait bien profité. En tout cas, un premier but, on l'a fêté comme il se doit. Vous avez déjà vu les entraînements, quelle est la force de l'équipe du SCRA cette année avec les nouveaux joueurs que vous avez vu jouer, avec vous? Quelle est la force de cette équipe? Déjà la force de cette équipe c'est la cohésion, il y a un bon groupe. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un excellent résultat cette année en National 1 en championnat, en Coupe de France, et je pense qu'il y a un objectif aussi en Coupe CERS. Je pense qu'il y a moyen de faire une très bonne place. Le SCRA Saint-Omer, c'est une très grande famille, voilà, une bonne cohésion d'équipe. Franchement, je ne regrette pas mon choix d'être venu ici. Merci à vous deux. Rendez-vous naturellement pour le prochain match. On y sera naturellement pour vous suivre. Et puis, allez, bienvenue à Saint-Omer. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Salut, je m'appelle Tom Mfokani, joueur du SCRA et j'écoute Sport News sur Energy. You say

twice. Take a hit, let it sink in. Dragged and faded, nearly there. No control. Quelqu'un qui frappe à la porte, je pense. Rentrez ! Merci d'être avec nous. C'était le premier rendez-vous des Sport News et c'est parti pour une grande et vraiment formidable saison, c'est promis. 10h midi, le week-end, place au sport. Et c'est déjà fini. Et oui, c'est la fin de cette premier match, hein, puisque c'est le grand retour des Sport News jusqu'à naturellement fin juin pour vivre ensemble ce championnat. Je vous rappelle le rendez-vous demain 10h-12h et puis bien sûr un autre rendez-vous à ne pas rater. C'est une première. C'est une première pour Sénéo, c'est une première également pour le Scra. Il y aura un gros roller dancing. C'est un rendez-vous dès 17h jusqu'à minuit pour bien préparer le championnat. Vous verrez les nouvelles recrues arriver du Scra et bien danser. À mon avis, ça va aussi faire que tenir la crosse. Et avec nous pour terminer l'émission, eh bien, nous avons la présidente du SCRA, Jana Savreux, qui est avec nous. Jana, bonjour. Bonjour. Merci Jana de terminer l'émission avec nous. Première, naturellement, grand rendez-vous. C'est à Sénéo dès 17h. On peut dire que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu peux nous présenter cet événement? Alors, c'est une grosse opération. Hein. Donc, l'idée, c'est de donner grandeur, enfin une version un peu plus grande au traditionnel roller music qu'on a organisé, salle du Brocus. Donc, on avait été contacté par Sénéo pour voir s'il y avait une possibilité de mettre en place cet événement. Et donc, on espère que ça va fonctionner. Enfin, on est assuré, on va dire un petit peu, parce qu'au niveau du Brocus, on a à peu près 400 personnes à chaque fois. Donc là, voilà, c'est dans cette salle. Il faut effectivement l'habiller. Donc c'est un peu la technique, mais c'est pas nous qui gérons. Et bon, donc ce soir, voilà, on aura nos bénévoles à pied d'œuvre, plus les joueurs de l'équipe première qui seront là aussi pour encadrer sur la piste. Donc c'est vrai qu'on les verra, comme tu disais, sans la crosse, avec les patins évidemment, mais sans la crosse. Voilà, ils nous feront découvrir un peu ce qu'ils savent faire, un peu en patinage naturellement, un peu patinage artistique sous la musique. Ce sera formidable quand même de voir ces recrues sous la baguette de l'animation de DJ Benji. Alors c'est un disque jockey, tu peux nous le présenter, toi qui aimes bien les discothèques, et tu sors encore en discothèque? Non, je connais pas trop en fait. non, c'est plus c'est Chico en fait qui le connaît mieux. Très bien, donc il anime déjà les soirées au niveau du Brocus. Donc voilà, et là en ouvrant ce créneau à 17h, donc on espère toucher un public familial qui viendra peut-être s'initier en première partie de soirée. D'habitude les rollers on les commence à 20h. Au niveau du Brocus. Donc là, en commençant à 17h, on risque de toucher un autre public. Voilà, 17h, donc jusque minuit, grosse soirée roller dancing. Les patins, on s'en occupe naturellement. Gianna, il n'y a pas de problème. Ils sont à louer sur place. Oui, mais on peut venir également avec ses patins? Oui, non, mais vraiment, tous ceux qui ont leurs patins peuvent venir. Hein, donc il n'y a aucun souci. Les patins sont acceptés, bien au contraire. Donc voilà, venez avec vos patins si vous en disposez. Et on sera là pour faire la fête. Voilà, et puis c'est également un tournoi à ne pas rater ce week-end également, Gianna. Je pense qu'il y a un tournoi, on va en parler un peu. Alors, voilà, le tournoi, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Donc voilà, 17 et 18 septembre. Donc tournoi international organisé pour que l'équipe se mette un petit peu en jambes. Donc des équipes étrangères principalement. Et ce qui permettra à l'équipe de jauger un petit peu son jeu. Bon, même s'il y a eu un tournoi amical la semaine dernière en Allemagne, et le SCRA a remporté le tournoi la semaine dernière à Remscheid. Donc c'est de bon augure et on espère que la semaine prochaine, voilà, il y aura pas mal de spectateurs pour venir découvrir cette nouvelle équipe. Merci beaucoup Gianna, rendez-vous donc la semaine prochaine pour le tournoi et rendez-vous ce soir à partir de 17h à Sénéo pour faire la fête. Il y aura de quoi manger, il y aura de quoi boire, il y aura de quoi danser. Et puis à très bientôt Gianna, rendez-vous ce soir également et sois prudent pour rentrer de Lille. Il y a les radars. Merci à toi ce soir. Tout de suite retour à la musique sur Énergie. Auparavant, rendez-vous demain. Je vous rappelle, dans les Sport News, nous reviendrons sur la Coupe de France basket, la finale de la DC Cup BCM Boulogne. Et de nombreux invités, nous parlerons trail, fête du sport au collège de Blaise Pascal et une balade à Étaples. Voilà, rendez-vous bien sûr demain. Merci Quentin pour la technique et à demain. Salut, je m'appelle Tom Fekani, joueur du SCRA et j'écoute Énergie sur. Ah merde. J'écoute les Sport News sur Énergie. Salut, je m'appelle Jivan Sitchilambo et j'écoute les. Ah. Et j'écoute Énergie sur. Ah merde. Salut, c'est Maxime Beaumont, vice-champion olympique de kayak. Merde. Attention, ça tourne. Salut, c'est Kevin Mendy, joueur au SOMB Boulogne, ailier, et j'écoute les Info News. Non. Sport. Sport News. Tu recommences. Pardon. T'as des étudiés, mec. Tous les ans, j'ai le droit. Tous les ans, tu as le droit. Énergie. Numéro 1 pour les nouveaux hits. Are you ready? Are you ready? There is always a silver lining. Blessed are those who know what it is. We think that we need everything. That love is found in the wrong kind of dreams. There's always time to ask for. There's always space to find your ways. Sometimes you wait for the storms ahead, and sometimes you hide or you run away. Your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands, oh, clap your hands.